Les belles rencontres. Oui, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter le forgeron de Dadswell, Frédéric Robert, qui va nous parler du monde fascinant du fer et du feu. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Anne. Bonjour. Rares sont les vrais forgerons qu'on a au Québec. Quelles furent tes motivations pour toi à devenir un magicien du métal et du feu? Comment ça a commencé? Oui, le mot est bon, le magicien du feu et du fer. Moi, ça a commencé par, c'est mon oncle dans le bas du fleuve, à Saint-Jean-Port-Joli. Ah oui, à Saint-Jean-Port-Joli? Oui, à Saint-Jean-Port-Joli, qui a une boutique de forge sur le bord de la 132. Oui. Et puis, là, quoi, une quinzaine d'années, m'ont offert de montrer son savoir. Et puis, donc, j'ai déménagé 3 belles années à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Pour faire l'apprentissage, justement, là, du monde, du métier de forgeron. Est-ce que t'étais originaire d'ici, de l'Estrie? Non, moi, je viens du canton de la Beauce. OK, tu viens du canton de la Beauce. Oui. OK, mais ton oncle, lui, c'était à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. C'est vraiment la place aussi, il y a beaucoup de... D'ébénistes, hein? Oui, c'est ça, c'est un coin de, comment on dit, de sculpture, beaucoup de bois. Oui. Mais mon oncle se trouve comme un peu les Astérix et dans le monde du bois, ben il s'est installé, lui, une boutique de forge, puis il travaille le métal, toujours aujourd'hui. Là. Ah, toujours aujourd'hui? Oui, oui. Fait que si jamais tu as des questions, des conseils, il est toujours là. Ah, c'est comme ton mentor. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est mon mentor, définitivement. Ouais. Là. Puis j'ai toujours, quand j'ai besoin d'une référence ou d'un conseil, mon oncle est toujours là pour m'aider. Et puis, ben c'est ça, t'es revenu ici parce que t'as pris ton envol comme forgeron une fois que t'as fait tes 3 ans. T'es revenu ici à Dadswell parce que t'étais certainement au courant qu'il y avait une vieille forge. Oui, c'est ça. Moi, je connaissais pas nécessairement, c'est ça, Dadswell, le coin, mais j'ai mes frères qui habitent dans la région. Oui. Et puis, on venait voir, là, moi, on venait me baigner au lac, notre ramet, là, dans les beaux paysages de Dadswell. Et puis, à un moment donné, ben là, on a su que, là, l'ancienne forge de Médé-Lemelin était fermée, à l'abandon. Donc, c'est là que le projet a germé, dire la possibilité de récupérer cette forge, m'acheter un terrain au village. Mm-hmm. Et puis, on avait de l'expérience aussi là-dedans. On avait récupéré plusieurs bâtiments. Puis, on voyait le potentiel, là, Fait qu'on s'est entrepris, moi, avec mes frères, quand je parle, là. J'ai 2 frères qui m'ont aidé, là, dans ce processus d'établissement, là. Ça veut dire que vous avez défait la bâtisse d'Amédée-Lemelin, la vieille forge qui se trouvait à Marbleton, dans le fond. Oui. À Dadswell. Puis là, vous l'avez reconstruite d'une façon intégrale, toi puis tes frères, ou? C'est ça, c'est que l'histoire de l'ancienne forge, c'est ça, c'était comme la deuxième forge à cette place-là. Parce que la première, c'est ça, d'après l'histoire que j'ai su, elle avait passé au feu. Ah oui. Il y avait un bâtiment connexe à côté qui avait mis le feu. C'était pas la boutique comme telle qui avait pris, c'était en tout cas un bâtiment à côté. Et puis, mais la première, c'était vraiment, je me suis inspiré de la première, moi. OK. Parce que moi, c'est vraiment, celle qu'on a récupérée était 1,5 étage. Oui. Mais moi, j'ai reconstruit 2 étages pour pouvoir m'y loger en haut. OK. Comme vraiment, là. Fait que c'est vraiment intègre. Tout est, tu vis vraiment, là, dans ton atelier de travail. Oui, en même temps. C'est ça, en haut, c'est un loft, puis en bas, j'ai mon atelier. Fait que quand il me prend une création ou un goût d'allumer mon feu, ben je suis pas loin. Ça se fait instantanément. Oui, oui, c'est ça. Fait que tu vis avec ton art. Oui, c'est ça. Puis, les outils que tu utilises, parce que moi, j'ai déjà été voir ton atelier, je vois plein d'outils là, qui sont pour moi, pas mystérieux, là, mais tu sais, je connais pas du tout ça. Est-ce que c'est facile à trouver ou bien si tu t'es fabriques les outils pour pouvoir faire ton travail? C'est ça, il y a plusieurs, tu avais un peu tout dit, un peu de tout. C'est sûr, moi, quand j'étais en apprentissage chez mon oncle, Je savais qu'un jour, ça m'emmènerait à ouvrir ma propre boutique. Là. Ben oui. Puis donc, j'ai ramassé, j'ai fait les brocantes, ah, les oui. marchés aux puces. OK, c'est comme ça que tu t'es procuré les outils. Entre autres. Et puis, mon oncle m'en a fourni. Oui. C'est ça, en ayant une boutique de forge, comme mon oncle, lui, les gens qui avaient des outils de forge qui ne servaient plus, ben, ils venaient à la boutique faire des échanges ou les vendre à mon oncle. Ça fait que... Moi, durant ce temps-là, je travaillais, puis je me suis gréé quand même d'un kit de départ. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, c'est ça, c'est le... Forgeron aussi, ce qui est plaisant, c'est que c'est le seul ou un des seuls métiers où ce que l'on peut se fabriquer nos outils. Ah, que, oui, ben c'est ça que je me pose, c'est ça. OK, tu peux faire tes outils selon le besoin que tu vois, là. En plein ça, c'est ça, je peux, c'est ça, je travaille l'acier, donc on sait que des outils sont en acier, donc je suis capable de tremper mes... j'ai besoin d'une gouge, j'ai besoin d'une tranche, j'ai besoin de... Je me prends un bout d'acier, je forge ça comme je veux, je trempe ça, puis... Puis là, tu fais ton outil avec ça. Oui, c'est ça, en plein ça. Fait que c'est vraiment autonome, c'est un métier qui t'amène beaucoup d'autonomie. Oui. Dans le fond, t'as une grande liberté, là, de... Oui, pour ce côté de, c'est ça, d'outillage traditionnel, que je dirais les pinces, les marteaux, les... C'est sûr qu'aujourd'hui, ben la forge, tu sais, on vit en l'an 2000, ben, hein? Oui. Donc une partie, oui, outils modernes, oui. soudeuse, rectifieuse, perceuse, ça, on fait comme tout le monde, on va au magasin, oui. puis, mais la partie pince, la partie beaucoup de fabrication que je suis capable de faire. Puis là aussi, le fait que ton oncle, qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, c'est pour ça aujourd'hui que les forgerons, c'est comme une denrée rare. oui, c'est vrai que... Faut vraiment les encourager. Ben, merci, hein, oui. Moi, ce que je me posais aussi comme question, c'est que des fois, est-ce qu'on voit une grosse flamme? Des fois, on peut voir une petite flamme. Est-ce que c'est en proportion du métal que tu fais? Est-ce que c'est... Ou bien si ça donne comme ça. C'est sur mon feu, moi je fonctionne toujours avec le charbon. Le charbon. Le charbon à l'époque avec une soufflerie. OK. C'est sûr que la flamme, c'est pas tellement ça qui chauffe mon métal, c'est sur mes tisons ardents, comme on pourrait dire. OK, là. Comme le charbon ardent, c'est ça que tu veux dire? Comme... Le tison ardent, c'est quoi exactement? Mais c'est ça, il y a dans le feu, moi là, il y a la flamme qui dans le fond dégage une certaine chaleur, mais c'est vraiment avec le charbon, le tison que mon métal chauffe. Donc oui, comme tu dis un peu, quand j'ai une pièce de métal d'un bon diamètre, ben là, comme un peu un poêle à bois, il faut se monter de la braise. Puis c'est ça, c'est la soufflerie aussi. Là. Je suis capable de jouer... c'est ça, c'est un, comme on dit, c'est une chimie là, oui. de tout un peu, mais c'est ça, avec le... Avec le charbon, je suis capable de, c'est ça, là, de faire même fondre le métal là, dans mon feu de forge. OK, parce que c'est ça, c'est par rapport à, je comprends, plus que t'as du charbon, t'as du tison, tu peux faire des plus gros morceaux de métal. Oui. Selon là, ce que t'as à faire. C'est ça, puis selon la densité du ventilateur. Du ventilateur. Ouais, aussi. Parce que comme un peu un feu, quand on part un petit feu, on souffle dessus, ça l'attise. Oui. Mais quand on souffle beaucoup dessus, ben là, il carbure au maximum, oui. Ça fait que moi, c'est ça, je joue avec aussi mon ventilateur. Ouais. OK. Pour créer une œuvre, Frédéric, est-ce que tu dois te faire un plan ou bien si ça arrive que tu crées au fur et à mesure de la conception de ton fer forgé, tu sais, est-ce que c'est... C'est les deux façons. C'est les deux façons. C'est sûr que, comme on dit, il y a là un peu là, des fois les l'ARD, là, la recherche-développement, où ce que là, je vais prendre un morceau de métal en sachant pas trop là où ce que je m'en vais, mais je fais des essais, je fais des tests, je fais des un peu de recherche là, oui, dans le fond, oui. là, pour pousser ma technique au maximum. Mais bien souvent, là, quand un client vient me voir, il veut, exemple, une partie de rampe ou un pied d'une sculpture, ben ça passe toujours par un dessin, par une soumission, c'est ça, s'entendre avec le client, la cliente, puis dessin grandeur nature, bien entendu. Oui. Ben, c'est ça, c'est ça, tu fais des choses sur mesure, puis preuve à l'appui, parce que tu m'as fait une magnifique œuvre déjà. Ben oui, ben, certainement, c'était une belle collaboration. Oui. Ben, c'est ça, tu fais beaucoup de collaborations avec les gens. Tu soumets ce que tu fais, et après, c'est ça, il y a une entente. Ben, c'est très facile de faire des choses avec toi. C'est ça, j'envoie un peu le style, hein, parce qu'on a chacun, on peut avoir 30 forgerons, mais tout chacun a son style, hein, c'est sûr, c'est comme la peinture, c'est comme tout. C'est ça, on arrive avec le besoin, une rampe, exemple. Là, moi, je la dessine sur la façon que je la vois. Ouais. Et puis, souvent, les clients sont bien d'accord avec ça. Puis, on s'entend sur les délais, puis le prix. Puis, après ça, on met ça au feu. Puis, l'œuvre se concrétise. Ouais. Je voulais aussi te demander, je sais que tu fais de l'eau de forge, mais ça c'est un produit qui existe depuis des millénaires, il me semble. C'est l'eau de forge, ça guérit si tu as fait de l'eczéma, des choses comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui savent ça. Non, ça c'est comme un peu... c'est pas mythique, mais c'est quand même, moi j'ai vu, quand j'ai fait mon apprentissage, là, plusieurs personnes, c'est ça, dans l'eau de forge, c'était que, c'est ça, c'est le bac dans lequel on refroidit notre fer, oui. Puis qui se ramasse, c'est un concentré de, parce qu'à chaque fois que je chauffe mon fer, moi, dans mon feu, il s'oxyde, il se fait une oxydation du fer, donc il s'en dégage toujours une petite couche. Okay. L'eau force, c'est force de tremper dans mon bac. Mais c'est un eau qui, dans le fond, qui gorge de fer, qui est ferreuse beaucoup. Mm-hmm. Et puis, pour les problèmes de peau, bien souvent, ils sont un peu comme la calamine. C'est du fer, c'est un manque de fer. Et puis, on fait des recherches sur Internet. Puis, comme tu dis, c'est un remède qui a été reconnu depuis très très longtemps, mais que les gens ont oublié. Oui, ça c'est sûr, avec la disparition des forges, voilà, puis l'avènement des nouveaux médicaments, puis tout, mais il y a une bonne partie de... ça l'a soulagé bien du monde, ça. Oui. Ouais. Puis là, je sais que ta forge se nomme la vieille forge de Doswell, mais aussi, tu as la ferronnerie d'or au champ du coq. Ça veut dire que c'est un kiosque que tu peux montrer tes créations? Oui, c'est ça. Moi, la forge à partie, c'est ça, parce que la forge, oui, c'est mon atelier de production, mais il y a quand même un centre d'interprétation là-dedans. Oui, un centre d'interprétation. C'est ça, avec 10 panneaux d'interprétation. C'est ça, oui. Qui racontent un peu l'histoire de la forge, du début, qu'est-ce qu'ils faisaient d'une forge, ils ferraient les chevaux, réparaient oui, c'est ça. Et puis ça parle de la Médée, ça parle de la vie des forgerons de Doswell. On a tout répertorié, là. C'est ça, c'est ce qui sépare un peu ce qui est la vieille forge et puis mon entreprise au champ du coq. OK. Parce que c'est ça, la vieille forge de Doswell, c'était avant la forge de Médée Lemelin qui était aussi un gars de Doswell. Oui. Dans le fond, c'est comme si tu continuais l'histoire. En plein ça. En plein ça, je pense que c'est une partie importante là, que je veux continuer. Oui, ouais, ça, c'est important pour moi. Puis, pour admirer tes œuvres qui découlent de la ferronnerie d'art, on peut toujours le visiter en t'appelant avant. Oui, ça, c'est sûr, sur réservation, un atelier. C'est ça, au début, je suis parti, j'avais une salle de monde, j'avais des produits. Mais là, ça a changé un petit peu, ça fait que là, je m'adapte selon les besoins. Mais c'est ça, la forge, là, à ma plaine, chez nous. Au champ du coq, à Doswell. Oui, ça m'en fait. Tout le monde te connaît. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est facile à quelqu'un qui arrive, là, puis te demande. Oui, c'est ça. Toujours moyen, là, de montrer la forge, puis tout son équipement. OK. Bien, merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir éclairé sur ta passion. À l'aide des flammes chantées par l'enclume que tu fais fredonner avec tes outils. Wow! Au revoir! Merci! À plus tard!